Le couple par Louis de Robert. Pour quiconque a un peu d'imagination, c'est un jeu de regarder dans la rue passer la foule aux mille visages, de discerner çà et là l'intelligence, l'énergie, la bonté, la ruse, l'amour qui ne se croit pas observé ou qui n'en ont cure. La fièvre de conquête d'un gueux famélique qui s'en va, le front ardent, les mains moites, éclairé par son rêve comme par un brasier, et tous ces drames qui éclosent dans l'obscurité des âmes, qu'on a frôlé une seconde avec un imperceptible malaise, et dont le journal, quelques jours, nous apprendra l'approche ou lointaine explosion. On flâne, on se sent baigné par ces courants multiples, par les vagues innombrables de ces vies secrètes, de ces destins obscurs qu'on ne connaîtra jamais. Je passais hier après-midi rue Lafitte à l'heure où les petites ouvrières, après leur déjeuner, regagnent l'atelier. Un couple marchait devant moi. C'était un jeune soldat permissionnaire et une petite femme svelte, vêtue de noir, à laquelle il donnait le bras. Pour lui parler, il se penchait un peu et dans sa capote bleue horizon, son corps de gamin poussait vite, était à la fois vigoureux et grêle par la disproportion qui existait entre les épaules à peine développées et les jambes déjà robustes. De petites ouvrières qui filaient vite jetaient au passage sur le couple un regard furtif. Et j'entendis cette phrase, murmurée par l'une d'elles à l'oreille d'une compagne. « Faut croire qu'il a du goût pour les vieux tableaux, t'as vu ?» En effet, la femme s'étant à demi retournée, je m'aperçus qu'elle avait une figure jeune, mais déjà fanée. À suivre les gens, à laisser son regard noter leurs particularités, l'esprit se familiarise avec eux, et il se crée, pour un instant, entre ces inconnus et vous, une illusion d'intimité qui fait qu'on les croit comprendre ou deviner. Et puisque la vie est l'universelle répétition des mêmes faits, il arrive qu'on se regarde en eux. C'est ainsi qu'un jour, je me souviens d'avoir souffert réellement d'entendre un homme à la voix douce, découragé, adresser à une femme je ne sais quelle vaine prière. « Pourquoi ? » répétait-il. « As-tu une raison ? Explique-toi, pourquoi ?» À cela, elle répondait sans le regarder, obtuse et butée, « Parce que ». En retrouvant dans cet entêtement féminin une minute vécue, une souffrance subie, je me plaignais rétrospectivement moi-même en plaignant cet inconnu. De même, ce couple qui descendait la rue devant moi m'occupait aujourd'hui comme s'il se rattachait par analogie à l'un de mes souvenirs. Ce fut cette phrase que je perçus en un moment où je m'étais un peu approché qui m'éclaira. « Tu comprends, maman ?» disait le jeune soldat. « Maman, c'était sa maman !» Et je les avais pris pour deux amoureux. J'en eus presque honte. Pourtant, dans ma méprise même, ne les avais-je pas suivis avec l'intuition obscure que quelque chose d'eux se rattachait à l'un de mes souvenirs. Et voici que je me revis moi-même plus de 30 années en arrière, lorsque ma mère, restée veuve, me reconduisait à la pension et qu'un camarade, un grand, me demande un jour sur un petit ton goguenard, « C'est ta bonne amie ?» Ils m'intéressèrent soudain, ce fils et cette mère. Je considérais le profil perdu qu'elle offrait à mon regard en se tournant vers son enfant et dans ce visage un peu jauni par la dure vie, par les peines, par le travail sans doute. Je crus surprendre une expression de douceur et de bonté qui me touchèrent. Évidemment, lui se rendait compte du malentendu que pouvait faire naître ses airs affranchis d'adolescent, sous la capote martiale du soldat, auprès de sa mère, une extrême sveltesse, une grâce naturelle dans l'allure, rajeunissait. Il s'en rendait compte, car il cessa de lui donner le bras et maintenant, en marchant, il marquait entre eux une distance comme un étranger. Ils étaient arrivés au coin du boulevard et ils s'arrêtèrent pour se quitter. Il ne l'embrassa pas comme il semblait qu'elle s'y attendît. N'était-il pas un peu gêné, au milieu de tout ce monde qui passait, de ces gens qui le regardaient ? Pudeur excessive ! Il lui tendit seulement la main d'un geste un peu gauche. « Tu ne rentreras pas trop tard ?» demanda-t-elle. « Sois tranquille, je serai là pour le dîner. » Ce fut tout. Ils s'en allèrent chacun de son côté. Mon regard partagé les suivit encore. Plusieurs fois, je vis la mère se retourner timidement avec une sollicitude inquiète vers lui qui partait très droit, d'un pas allègre, oh, bien détaché d'elle, sans doute, et tout à l'égoïste satisfaction d'être libre, d'aller retrouver ses amis, ses camarades, de faire l'homme. Il est des instants où le moindre spectacle exalte les sentiments restés bons en chacun de nous, et où nous nous étonnons de ne pas trouver les autres meilleurs. Je lui en voulais, en cette minute, à ce fils, de s'en aller ainsi. J'aurais aimé les voir reliés par une même pensée, se retourner ensemble et se sourire. J'aurais aimé. Mais je m'aperçus soudain que derrière un kiosque, il s'était retourné et que maintenant, haussé sur la pointe des pieds, il cherchait des yeux. Oh, l'exquise tendresse filiale que j'y lus! Il cherchait, dans la foule décroissante, celle dont le dos triste se perdait là-bas. C'était Le couple par Louis de Robert.